Comment on se prend, Michel? Ah, des roses, les mecs, tu te fous. Papa, il n'a pas engagé ce café. Non, ça sent rien. Je suis vous au café, il vous a engagé le café quand tu as la fête. Tu as revenu dans le lit, tu t'es retourné comme ça, tu as dit allez, bonne nuit. Allez, tu as pris ma main, tu as fait ça. Non.